Vous avez chacun votre son, mais vous avez tous le même défi. C'est pourquoi AXA crée Relance Pro, un programme pour accompagner la relance de votre activité. Relance Pro, c'est 350 000 entreprises et professionnels aidés pendant la crise. 6 400 agents et conseillers commerciaux mobilisés à vos côtés. Et une formation offerte pour prévenir les risques de cyberattaque. AXA, partenaire de votre relance. AXA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pro.axa.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Né avec le XXe siècle, disparu en 1997, compositeur, Henri Barrault avait été aussi, depuis la Libération, l'une des grandes figures de la radio. Fondateur de la maîtrise de Radio France, directeur de la musique de la RTF, directeur de la chaîne nationale, de laquelle allait naître France Culture, il y fut l'initiateur de nombreux entretiens avec de grands écrivains, de grands peintres et, sur notre chaîne, une voix familière aux auditeurs de Regards sur la musique. En 1964, quelques mois après l'inauguration de la Maison de la Radio et la création de France Culture, dans le deuxième épisode de sa grande enquête sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore, Guy Erismann s'entretenait avec Henri Barrault. À cette voix doublement autorisée de musicien et d'homme de radio, il demandait ce qu'avait bouleversé dans la vie musicale la possibilité de l'enregistrement de la musique et de sa diffusion par le disque et la radio. De quel bienfait ou de quel dommage cela avait été pour la musique. Un entretien dont l'écoute, quelques décennies et mutations technologiques plus tard, au-delà même de la musique, nous renvoie à des questions toujours actuelles autour de la diffusion et de la consommation de la production culturelle et artistique. Magie et vérité des sons, deuxième d'une série en 12 volets, entretien avec Henri Barrault, diffusé la première fois le 22 juillet 1964 sur France Culture. Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erismann sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Nous étions la semaine dernière à la Phonothèque nationale pour enquêter sur la naissance et l'état civil de l'enregistrement sonore. Nous rencontrons aujourd'hui Henri Barrault dans l'un des studios de la radiodiffusion-télévision française, une maison qui fabrique de l'enregistrement et en consomme à longueur de journée et d'antenne. Henri Barrault, vous êtes chef du département de la musique de la radiodiffusion-télévision française, mais par vocation, vous êtes surtout musicien, compositeur, donc créateur. L'art des sons, la magie des sons, sont votre domaine. Et la première chose qui vous préoccupe, je suppose, quand on parle de l'enregistrement et de la reproduction sonore, c'est la vérité. Cette vérité, cette haute fidélité, selon une expression aujourd'hui abusivement employée, mérite-t-elle vraiment son nom ? Quel est votre point de vue de musicien ? C'est une question à laquelle je serais tenté de faire une réponse de Normand. En somme, ce que je serais tenté de faire, c'est d'esquiver la question en elle-même, parce qu'il n'y a pas une réponse absolument précise et positive à donner à cette question-là. Oui et non. Ce qu'on appelle la haute fidélité me donne-t-elle, dans certains cas, l'impression d'une fidélité complète ? Oui, mais c'est une impression fausse. La preuve, c'est que si je suis en train d'enregistrer dans un studio, je suis dans la cabine, j'entends ce que sera la haute fidélité, même en stéréophonie le cas échéant, et puis tout d'un coup j'entre dans le studio et enfin j'entends de la musique. La même chose se produit avec le disque. Le disque, On s'habitue au disque. Quand j'entends un disque en haute fidélité, je constate qu'il est très fidèle. Je constate comme tout le monde, comme le vulgum pecus, tout musicien que je sois, je subis cette espèce de poudre aux yeux que me lance le disque. Mais la vérité, c'est que cette fidélité est toute relative. Je connais quelqu'un qui me dit, moi je ne voyage pas parce que les monuments que vous allez voir partout où vous passez, c'est très beau, mais si vous m'envoyez des cartes postales, eh bien je trouve que ces monuments sont beaucoup plus beaux dans les cartes postales. Et quand je vois les monuments ensuite, je suis déçu. Et je comprends très bien pourquoi en vérité, car dans certains cas, une carte postale peut avoir l'air presque plus belle que n'est le monument en lui-même, parce que le photographe l'a prise dans des conditions exceptionnelles que le touriste ne retrouvera pas, des conditions de lumière, parce que le photographe a isolé le monument de certaines choses qui peuvent être autour et qui, dans une certaine mesure, lui donnent une réplique déficiente, etc., etc. De sorte que peut-être que dans certains cas, un monument vous donne par photographie une impression merveilleuse et que quand on le voit, on est un tout petit peu déçu. Mais ça ne veut rien dire tout de même. Le monument, c'est le monument. Et quand je suis devant le monument, j'ai tout de même une toute autre impression physique, esthétique, que si je regarde la photographie, cela va de soi. Mais il est bien entendu que, par exemple, si je regarde la cathédrale de Chartres, et si je regarde un album de superbes photographies sur la cathédrale de Chartres, les photographies de la cathédrale me font voir des tas de choses, me font voir des détails de sculptures, des portails de cette cathédrale, que dans la vie, quand je suis devant cette cathédrale, je ne peux pas les voir, ou je les vois de loin, je les vois mal, il me faudrait des jumelles, etc., etc. Eh bien, le disque, c'est la même chose, n'est-ce pas? Ça vous montre la musique avec des jumelles, avec des détails, etc., etc., mais ça ne vous montre pas la musique, finalement. Faut-il en conclure qu'il y a trahison de toute façon, mais que cette trahison est pour la bonne cause et qu'on pourrait plutôt l'appeler transposition? Oui, je dirais, le mot trahison est beaucoup trop fort, alors, parce que tout de même, le disque apporte quelque chose, c'est incontestable. Mais ce qu'il faut bien dire tout de même, c'est que entre la plus haute fidélité à laquelle on n'atteindra jamais, et ce que l'on entend quand on a l'orchestre devant soi, eh bien, il y a un abîme, et cet abîme-là, je mets au défi les ingénieurs de jamais le combler. Vous avez dit que le disque a quand même apporté beaucoup de choses. A-t-il bouleversé la vie musicale? Oui, il a bouleversé la vie musicale, sans aucun doute. Dans quel sens? Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? N'est-ce pas? Je serais tenté de dire le disque, c'est la langue d'Ésope. On peut en dire tout le bien et on peut en dire tout le mal. En vérité, bien sûr qu'il a élargi l'audience de la musique, ça va sans dire. Il y a beaucoup plus de gens qui maintenant arrivent à avoir une culture musicale par le disque. Maintenant, dans quelle mesure, n'est-ce pas là une chose qui a un aspect tout à fait négatif par ailleurs, car si je prends la question de la vie musicale, eh bien, je serais presque tenté de dire que le disque a tué la vie musicale. Vous avez, dans une communication à l'Institut, une communication très remarquée, abordé des incidences du disque dans la vie musicale en disant notamment qu'il a supprimé le prolétariat de la musique. Oui, mais ça, c'est un autre aspect des choses. Alors, ce que j'ai dit à l'Institut l'autre jour, c'est que le disque et la radio sont arrivés d'ailleurs à peu près ensemble dans l'univers musical, et ils sont arrivés à un moment où la musique perdait par ailleurs son principal marché. C'est-à-dire que c'est au fond la même opération, car le progrès technique qui a amené la radio et qui a amené le disque a amené également le cinéma parlant, et qu'alors il a amené également la possibilité de faire dans les cafés de la musique de disque. Et en quelques mois, la profession de musicien d'orchestre, la profession de musicien exécutant, s'est vue fermer tout le débouché des cinémas. Dans les plus petits cinémas, vous aviez toujours 3 ou 4 musiciens, et dans les grands cinémas, vous arriviez à en avoir 50. Eh bien, tout ce débouché-là s'est fermé. Et en même temps, Le débouché des brasseries, le nombre de brasseries sur les boulevards à Paris où il y avait un orchestre de 6 ou 7 personnes, 8 personnes, un petit ensemble, eh bien, maintenant, tout cela a disparu. Donc, le progrès technique qui a amené l'enregistrement et la radio a fermé un débouché. Ce débouché, à qui était-il ouvert? C'est ce que j'ai appelé au prolétariat de la musique. Parce qu'il est bien évident que dans tous ces petits cinémas de quartier, et même dans beaucoup de brasseries, en tout cas dans les brasseries de province ou de la périphérie, dans la mesure où on utilisait des musiciens, c'était vraiment le prolétariat de la profession. C'était des musiciens médiocres qui, maintenant, grossissent les statistiques du syndicat des musiciens qui s'appuient sur eux pour vous montrer qu'il y a un chômage écrasant dans cette profession, mais en réalité ce sont des musiciens, si on leur offrait des emplois, ils ne pourraient déjà plus les tenir, des emplois tels que ceux que l'on a maintenant, car le phénomène inverse qui s'est produit, c'est que en supprimant ce prolétariat de la musique, le progrès technique a créé une aristocratie des musiciens d'orchestre, des musiciens exécutants. C'est ce qui s'est produit par la suite, c'est-à-dire que on a eu donc un débouché moindre, mais ce débouché nouveau qui s'ouvrait avec les orchestres de radio ou avec les orchestres qui font des enregistrements dans les firmes de commerce, eh bien, ce débouché plus restreint, mais comportant une exigence extrême de la qualité des instrumentistes, a créé une profession nouvelle, extrêmement bien rétribuée, et par conséquent une espèce d'aristocratie des musiciens exécutants. Abordons un autre point de vue. Le disque et l'enregistrement ont-ils réellement servi la cause de la musique? Ce rôle a-t-il été uniquement positif? Et j'en viens à la qualité de l'écoute. Il est certain que le disque a permis à une très large couche d'entrer en contact avec la musique, mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas penser que cette vulgarisation aboutit à un certain galvaudage? Oui, mais c'est pire que cela. Bien entendu, on aboutit à un galvaudage de la musique. On aboutit aussi à une chose qui est peut-être encore plus dangereuse. Un premier point, qui est très grave. La musique enregistrée, d'une façon générale, et même la radio d'ailleurs, mais surtout le disque, ont fait perdre au public le sens du collectif. La musique, c'est une communion. C'était une communion et c'est encore une communion et ça doit rester une communion ou bien ça cessera d'être véritablement de la musique. Or, il n'y a plus de communion à partir du moment où quelqu'un peut mettre une machine en marche et puis avoir de la musique dans son salon ou dans sa chambre à coucher. Pour lui, pour sa femme ou pour deux ou trois personnes. À ce moment-là, le phénomène collectif qu'était une exécution musicale disparaît. Or, avec ce phénomène disparaît la communion, avec la communion disparaît la vie. Il est certain que la musique cesse d'être un acte exceptionnel. Exactement, et ça cesse même d'être quelque chose de vivant. Ça finit par apparaître comme des pièces de musée, des choses qui sont là, fixées, et dont il n'y a plus rien à attendre que ce qu'elles vous montrent. Il n'y a plus de risque, d'abord. Le risque est très important en musique. Il faut qu'il y ait un risque. Quand on entend de la musique, il faut toujours qu'il y ait un certain risque, et ce risque crée une tension de la part de ceux qui l'exécutent, et cette tension crée une espèce d'électricité, et cette électricité parcourt la salle, entre dans le public, revient vers l'estrade. Il y a une espèce de grand circuit qui se produit, un fluide qui passe, et c'est ça la musique. Or, tout cela est en train de disparaître, et c'est une chose que je dirais monstrueuse. Faut-il en conclure qu'il faudrait développer ce qu'on pourrait appeler un savoir écouter? Oui, bien sûr. Et, n'est-ce pas, mais là encore, le disque, en principe, doit pouvoir développer un certain talent d'écouter la musique. Mais il le développe dans un sens que je crois plutôt fâcheux, finalement. Parce que Ce que j'appelle savoir écouter la musique, moi, ça veut dire se mettre dans une espèce d'état de grâce et participer à cette communion, participer à quelque chose qui est en train de se faire, y participer même activement, car le public dans une salle de concert doit avoir une part de création lui aussi, n'est-ce pas ? Eh bien, l'écoute d'un disque, on prend une machine, on la met en marche et on écoute quelque chose qui est fixé une fois pour toutes. On sait exactement quand on l'a écouté le disque deux fois, on sait exactement tout ce qui va se passer, on le sait à l'avance. Alors, à quoi tend-on à ce moment-là ? À faire de l'écoute analytique. Or, l'écoute analytique, c'est une occupation de mandarin, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas une occupation de véritable amant de la musique. Quand on aime la musique, au fond, il ne faut pas tellement la décortiquer, il ne faut pas tellement l'analyser. Je trouve, au fond, une opération de fausse culture que celle à laquelle se livrent maintenant tellement de discophiles ou de collectionneurs de disques, comme on dit. Car c'est encore ça, n'est-ce pas, l'esprit de collection. C'est une chose très spéciale, l'esprit de collection. C'est une chose qui vise toujours à de la spécialisation, qui vise toujours à couper les cheveux en quatre. Et actuellement, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qu'on voit des quantités de gens qui font des collections de disques. Et en quoi ça consiste-t-il pour eux d'écouter un disque ? C'est de disséquer la manière dont M. Munch joue telle œuvre, et puis la manière dont cette même œuvre est jouée par M. Mazel, et puis etc., etc. Et tout cela, à quoi ça aboutit-il finalement ? À détourner le sens véritable de la musique, c'est-à-dire à se détourner de ce que le compositeur y a mis, de souffrance personnelle, d'imagination, etc., etc., pour arriver simplement à discuter sur la manière dont un interprète a réagi vis-à-vis de cette musique. Par conséquent, on s'attache à l'accessoire, on s'attache uniquement à l'interprétation qui est une chose très honorable, très, très belle, très intéressante, mais on se détache en faveur de la création au second degré, qui est celle de l'interprète, on se détache de la création au premier degré, qui est celle du compositeur qui a véritablement imaginé tout cela. Et maintenant, on en vient à cela. On compare des interprétations, on n'écoute même presque plus la musique pour elle-même, on l'écoute simplement pour voir si à telle mesure, un tel a fait tel effet, ou un tel en a fait un autre. Eh bien, cela, j'appelle cela de la fausse culture. Eh bien, je ne vous demanderai pas de conclure pour ou contre le disque, je crois que c'est impossible, et vous-même y renoncez. Bien entendu, car tout ce que j'ai dit est plutôt contre le disque, n'est-ce pas ? Parce que c'est tout de même des choses qu'il faut dire et qu'on ne les dit pas très souvent. En fait, actuellement, tout le monde est persuadé qu'un des plus grands événements de la civilisation moderne dans le domaine de l'art et de la musique, ça a été l'apparition de la musique mécanique. Eh bien, le simple mot « mécanique » à coller au mot musique, c'est tout de même quelque chose qui me fait passer un frisson. Donc, ni pour ni contre, mais la réalité, le disque existe. Exactement. Et il y a un point que je voudrais soulever devant vous, c'est celui de l'interprétation. Le disque a-t-il modifié, a-t-il fait évoluer l'interprétation de la musique ? Je parle des solistes, je parle des chefs d'orchestre. Bien sûr, mais là encore, c'est un autre phénomène, n'est-ce pas ? L'interprétation du disque a évolué vers quoi ? Vers un souci de perfection poussé jusqu'au dernier degré. Et vous savez, vous êtes du métier, vous savez très bien comment on arrange les choses, n'est-ce pas ? Quand il y a eu des pépins, d'abord combien de fois on répétera un passage d'une minute et demie, car on enregistre par séquence, on découpe donc la musique, on la découpe en tranches, et puis on enregistre une tranche, et puis on la réenregistre, et on la fait 3-4 fois jusqu'à ce qu'on soit arrivé à obtenir une perfection technique plus grande. Mais tout ça, et pendant ce temps-là, la musique, elle reste là, découpée en tranches. Et ce n'est pas ça la musique. La musique, c'est quelque chose qui vient d'un point, qui va vers l'autre et qui va d'un élan, d'une poussée. N'est-ce pas ? Ce découpage, c'est déjà quelque chose de très mauvais. Parce que ça enlève le sens du dynamisme de la musique. Alors, on découpe et puis on enregistre tranche par tranche. Et puis, s'il y a eu un accident, s'il y a eu une chanteuse qui ne peut réellement pas arriver à donner son si bémol, eh bien, on a vu le cas de découper le si bémol dans la bande et d'aller le chercher dans le gosier d'une autre chanteuse et de le coller à la place. Et des choses de ce genre. On arrive à une certaine imposture, on arrive à un certain trucage, et on arrive bien entendu à une perfection extraordinaire de l'exécution d'une œuvre. Bien entendu que si Beethoven entendait sa cinquième symphonie dans un disque actuellement, il serait absolument éberlué parce qu'il n'a jamais entendu tout ce qu'il avait mis dans sa musique. Et il ne l'a jamais entendu. Les orchestres qu'il avait étaient des orchestres qui ne jouaient peut-être pas très juste, qui ne jouaient... il passait ce qui pouvait passer dans la musique. Et il est bien entendu, il est bien sûr que Beethoven n'a jamais entendu ce que nous entendons dans un disque. Mais est-ce que c'est vraiment cela l'idéal? Je suis loin de le dire. Moi, je ne vois pas du tout d'inconvénient à ce que, dans le cours d'une symphonie, le corps fasse un couac. Si, dans un enregistrement, le corps a fait un couac, bien entendu, on va découper son couac et on va mettre une autre note à la place. Mais tout cela, ça aboutit finalement à la recherche d'une perfection d'exécution qui est une perfection figée, qui est donc quelque chose de mort. Et dans ce sens-là, le disque a fait avancer l'art de l'interprétation, si l'on veut, mais en même temps, il l'a détourné de son but, qui devrait être le but principal, qui est celui de faire vivre la musique. Maintenant, on l'exécute à la perfection et on la vit beaucoup moins. De votre exposé, et je dois dire de votre conviction, j'en déduis que vous êtes contre les enregistrements en studio, contre les exécutions en studio et contre le montage. Si j'étais maître du marché du disque, je supprimerais tous les enregistrements faits en studio et je ne ferais plus que du document sonore, pris dans le vif, pendant des concerts, le jour où M. Charles Munch donne, dans la salle de la Boston Symphony ou ici avec l'Orchestre National, au Théâtre des Champs-Élysées, le jour où il donne devant son public, dans la chaleur d'une salle, avec tout ce qu'il y a de communion, d'une certaine foi, un certain enthousiasme que l'on sent répandu dans la salle. Eh bien, le jour où Charles Munch joue cette symphonie, je voudrais qu'on l'enregistre tel que, qu'on la prenne sur le vif. Et s'il y a un couac du corps, tant pis. Mais que ce soit cela qu'on offre au public, et non point ces conserves qui sortent d'une usine. Eh bien maintenant, je vais vous demander de vous désavouer et de nous proposer de la musique en conserve. Oui. Je suppose qu'il y a quand même, soit dans les archives de notre radio, soit dans les catalogues de disques qui sont quand même très riches, des enregistrements, des réalisations, des œuvres qui vous ont frappé. Oui, bien sûr. Vous avez beaucoup aimé. Bien sûr, et d'ailleurs, j'ajoute, après tout ce que je viens de dire, on pourrait croire que je n'écoute jamais un disque. Or, je n'ai pas de plaisir plus grand que de me mettre devant mon pick-up et de passer les disques que j'applaudis j'aime. J'applaudis à cette réhabilitation. Car il faut bien avouer, alors, maintenant je vais prendre le point de vue tout à fait opposé, c'est que ce qui est merveilleux, c'est d'écouter de la musique dans des conditions de confort très grandes. Quand je suis chez moi, dans un bon fauteuil, non point avec l'écoute de mes voisins qui me gênent, avec un fauteuil qui craque au-dessous de moi, etc., comme ça se passe souvent dans les salles de concert, il est évident que tout de même, je jouis davantage, dans un certain sens, n'est-ce pas ? Je jouis davantage de ce que j'entends parce que je ne suis véritablement distrait par rien. Et ceci a l'air d'être tout à fait à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, car la communion, je ne la sens pas, bien entendu, puisqu'elle n'est pas réalisable pour un homme tout seul. Mais alors, il y a la contrepartie, qui est le confort matériel et la possibilité de se mettre en état de vacances complet. À ce moment-là, alors, la musique, elle me parle, bien entendu, elle me parle un autre langage, elle m'émeut peut-être moins, mais à ce moment-là, il y a une certaine poésie de la musique qui me devient très proche, et peut-être alors plus proche que dans une salle de concert, parce que je suis plus vacant pour la sentir complètement. C'est pourquoi, par exemple, j'ai choisi, puisque vous m'avez demandé de choisir des disques, j'ai choisi un disque que j'aime énormément entendre, précisément parce que ce n'est pas un disque romantique, ce n'est pas un disque qui fait appel de grandes émotions humaines, mais c'est un disque qui est entièrement, c'est une œuvre qui est entièrement établie sur une espèce de fraîcheur poétique qui était celle des deux collaborateurs de l'œuvre, celle de Colette et de Ravel, c'est l'enfant et les sortilèges. Je dois reconnaître, sans avoir peur de me déjuger, je dois reconnaître que j'aime mieux entendre le disque fait par Mazel de l'enfant et les sortilèges chez moi que d'entendre la même œuvre dans une salle de concert. Nous allons donc interrompre cet entretien pour écouter ensemble le premier tableau seulement, pour des raisons d'horaire, de cette féerie poétique qu'écrivit Maurice Ravel sur un livret de Colette. Mais à titre indicatif, je vous en donne la distribution complète. Françoise Augéas sera l'enfant. Jeannine Collard sera maman, la tasse chinoise, la libellule. Jeanne Berbier, la bergère, la chatte, l'écureuil et un pâtre. Sylvette Gilma, le feu, la princesse, le rossignol, la chouette. Colette Herzog, la chauve-souris et une pastourelle. Hans Reifus, le fauteuil et un arbre. Camille Moran, l'horloge comtoise et le chat. Michel Sénéchal, la théière, le petit vieillard, l'arithmétique et la reinette. Chœur et maîtrise de la radiodiffusion télévision française, direction René Alix, Orchestre national, sous la direction de Laurine Mazel. J'ai pas envie de faire ma page, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de manger tous les gâteaux, j'ai envie de tirer la queue du charnier, de couper celle de l'écureuil, j'ai envie de gronder tout le monde. Songez sur tout ton chagrin. serviteur, humble bergère. Servante, faut-à Nous voilà donc débarrassés à jamais de cet enfant au talon méchant. Pour son sommeil, plus de siège pour sa rêverie, plus de repos pour lui que sur la terre nue. Et encore, qui sait? Et encore, qui sait? Ne voudront plus de l'enfant. Et encore ding, je ne peux plus m'arrêter de sonner. Je ne sais plus l'heure qu'il est. Il m'a ôté mon balancier. J'ai d'affreuses douleurs de ventre. J'ai un courant d'air dans mon centre et je commence à divaguer. Ding, laissez-moi au moins passer. Que j'aille cacher ma ronde, sonner ainsi à mon âge. Moi, qui sonnais de douces heures, heureux de dormir, heureux de veiller, heureux qui ramène celui qu'on attend, heureux béni, où naquit le méchant enfant. Peut-être que, s'il ne m'eût mutilé, rien n'aurait jamais changé dans cette demeure. Peut-être qu'aucun n'y fut jamais mort. Si j'avais pu continuer de sonner toutes pareilles les unes aux autres, les heures. Ah, laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, le nez contre le mur. Black and costo, black and chic, black, black, black, jolly fellow, jolly fellow, black. I punch her, I punch your nose. I punch, I knock out, you simply chose black, black, and thick, and grab of us, and grab of us. I bought you, I marmalad you. Oh, Oh! C'était le premier tableau de L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel et Colette. Les solistes, les chœurs, la maîtrise et l'Orchestre national de la radiodiffusion télévision française étaient placés sous la direction de Laurine Mazel. Du disque et de l'enregistrement général, glissons au problème de la radio qui est vraiment très voisin. Par exemple, en domaine de radiodiffusion, et notamment à la radiodiffusion télévision française comme dans toutes les radios, les émissions directes deviennent de plus en plus rares. Elles sont remplacées par des émissions de musique enregistrée ou tout au moins des émissions différées. À quel genre d'émission va votre préférence? Là, il y a des problèmes techniques alors qui interviennent. Pourquoi ne peut-on presque plus faire d'émissions directes? Il y a deux raisons à cela. Deux raisons majeures, enfin, qui font qu'il n'y a qu'à s'incliner, même si on n'était pas d'accord. La première raison, c'est une raison d'horaire. Il n'est pas possible d'avoir à l'antenne quelque chose qui vient d'une salle où le concert est en train de se faire, à l'heure où le public a envie de l'avoir à l'antenne. Le public ne peut pas, surtout dans la province, le public ne peut pas attendre 9h30 du soir pour avoir un concert symphonique. Or, si vous faites un concert symphonique à 8h ou 8h30, eh bien, vous n'avez personne dans la salle. Le public ne se dérange pas à 8h30 pour venir entendre un concert. On peut l'avoir à partir de 9h15. Il y a donc une question d'horaire, car on pourrait faire du concert en direct si c'était du concert en studio. Mais le concert en studio, je l'écarte aussi systématiquement que j'ai écarté tout à l'heure la confection des disques par séquence selon les techniques actuelles, parce que c'est mort, parce qu'il n'y a pas le public, et que s'il n'y a pas le public dans la salle, il n'y a pas de chaleur dans l'exécution. L'autre question qui s'oppose au direct, non point d'ailleurs un direct qui serait fait par exemple ici à la Maison de la Radio, mais dans tout le domaine des concerts qui sont donnés au dehors, des concerts dans un festival, je suppose, des concerts donnés par les associations parisiennes, dans leurs salles respectives. Alors, à ce moment-là, on est tributaire d'une ligne téléphonique. Et la musique, quand elle passe par une ligne téléphonique, elle est coupée de toutes ses résonances aiguës, elle est affaiblie, elle est émasculée, et elle est évidemment beaucoup moins bonne. Je dirais que nous sommes contraints de faire autre chose que du direct la plupart du temps, mais pour des raisons qui ne sont pas d'ordre artistique, qui sont des raisons d'ordre pratique, simplement. Donc, pour nous résumer, dans l'absolu, il n'est pas souhaitable de faire des émissions différées ou des émissions enregistrées, mais le plus possible du direct. De toute manière, que l'on transporte la musique par l'intermédiaire d'un disque, ou que ce soit par les ondes, de toute manière, il y a un certain moment où un son qui est produit, un son global, une synthèse qui est produite par 110 instruments, arrive dans un microphone où il s'inscrit sur une membrane. Le paradoxe, c'est que d'une membrane de 3 cm de diamètre, on puisse attendre un son aussi riche que celui qui est produit devant vous par 110 musiciens. Que ce son soit aussi riche, c'est d'ailleurs ce que je nie. Il ne l'est pas aussi riche, précisément. Mais enfin, on aboutit à une certaine fidélité des timbres, c'est entendu. Mais il y a tout de même, du moment que l'on passe de l'instrument vivant à une membrane, eh bien, il y a une certaine déperdition. Par conséquent, que ce soit la membrane de votre poste récepteur, que ce soit la membrane d'un micro, ou bien que ce soit la membrane du diffuseur qui est dans votre tourne-disque, de toute manière, la musique subit cette diminution de potentiel, d'émotion, de richesse, de timbre. Donc, peu importe la manière dont nous la transmettons à l'auditeur, si nous la transmettons en différé, le son ne sera pas plus mauvais que si nous le transmettons en direct. Et si nous faisons un enregistrement et que nous le transmettions l'année suivante, le son ne sera pas non plus plus mauvais. Il n'y a donc qu'une chose qui compte à mes yeux, c'est que ce soit en direct, que ce soit en différé, que ce soit de l'enregistrement, il faut que ça s'ait été pris sur le vif, qu'il y ait eu un public dans la salle et que l'on ait couru tous les risques, y compris celui des couacs. Eh bien, je crois que votre position est très nette dans ce domaine. Il en est un autre pour lequel je voudrais avoir votre opinion. C'est l'introduction des procédés électroniques dans la musique. La question qui serait intéressante, ça serait de savoir dans quelle mesure l'électronique, les procédés électroniques, arriveront vraiment à enrichir le langage musical, ou bien s'ils créeront une autre catégorie de langage musical qui resterait en marge, n'est-ce pas, qui serait autre chose, une autre expression. Dans la mesure où on considère l'électronique en soi comme un tout, comme une forme d'art, que l'on peut appeler musique d'ailleurs, parce qu'on peut la ramener aux définitions, aux grandes définitions que l'on peut donner de la musique, eh bien, dans la mesure où on la met donc à part, en dehors, c'est un moyen d'expression intéressant, qui est même assez attirant pour un créateur et que je serais assez tenté un jour d'essayer. Mais de toutes les expériences qui ont été faites jusqu'à présent, je conclus provisoirement que cela me semble très limité. On a tout d'abord l'impression, au contraire, que c'est limité parce que le domaine des sons nouveaux que l'on peut créer avec l'électronique paraît en effet illimité. Mais finalement, quand on voit ce que de très, très grands compositeurs qui se sont attelés à cette technique en ont tiré, on a l'impression qu'ils tournent en rond. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on arrivera à en sortir, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. D'autre part, ce qui est aussi intéressant, c'est de se demander dans quelle mesure la musique plus ou moins traditionnelle peut être enrichie par l'adjonction de moyens électroniques. Là, il y a eu déjà pas mal d'essais qui ont été faits, et je pense que ça apporte quelque chose de nouveau qui est très loin d'être exploité encore. Mais je pense qu'on arrivera là à agrandir assez considérablement le champ de ce que l'on des recherches des musiciens. Bon, alors j'élargis maintenant ma question. Selon vous, compositeurs, musiciens, existe-t-il une esthétique radiophonique, phonographique et même télévisuelle de la musique? Une esthétique, je serais plutôt tenté de dire une technique qu'une esthétique, parce que est-ce que la radio a créé une esthétique? Je ne le crois pas. À moins qu'on nous dise que c'est la radio qui a favorisé la naissance des procédés de musique électronique. Et dans ce cas-là, alors oui, ça aurait créé une esthétique. Une esthétique qui n'est pas encore extrêmement bien définie. Dans la mesure où on rend la radio responsable de cet enrichissement des moyens techniques qui ont permis la musique électronique ou la musique concrète, telle que on l'a fait dans le service de la recherche chez Schaeffer, alors oui, bien entendu, elle a créé une esthétique. Mais si on prend la chose d'un point de vue de musicien traditionnel, est-ce que la radio a amené les musiciens à des recherches de style par des moyens traditionnels qui soient adaptés à la radio? Pas dans le domaine de la musique pure, sinon dans ce sens, dans un sens restrictif, parce qu'il est incontestable. Vraiment après des années et des années et des années d'amélioration des matériels techniques, il est incontestable tout de même que des musiques, que certaines écritures musicales franchissent difficilement le micro. J'en ai fait l'expérience sur mes propres ouvrages. Il y a une de mes dernières œuvres que je n'arrive pas à entendre par radio de façon à me satisfaire. Et pourquoi ? Parce qu'elle fait appel à une immense dynamique, elle part d'une nuance qui est aux confins du silence, elle y revient à la fin, mais au milieu, elle arrive à un déchaînement orchestral aussi puissant qu'on peut le réaliser avec les instruments actuels, et en particulier avec une batterie utilisée avec pas mal de prodigalité. Qu'est-ce qui en résulte ? C'est que, là, je ne voudrais pas entrer dans des détails techniques, mais enfin, il y a des instruments de batterie, comme par exemple les timbales, les percussions graves, qui produisent dans le microphone des courants électriques infiniment plus importants que l'importance qu'ils ont à l'oreille quand on les entend. Alors, on finit par saturer les appareils, et au moment où on croyait arriver, et où on arrive effectivement dans une salle, à une puissance sonore immense, on arrive au micro exactement à l'inverse. On arrive à un crescendo qui devient un décrescendo. Eh bien, donc, si on pense à l'écriture musicale en fonction de la radio, il est évident qu'il faut arriver alors à renoncer à certains des moyens d'écriture que nous utilisions auparavant et qui produisent dans des salles des effets considérables. Je pense que vous faites allusion à votre rhapsodie donizienne. Oui, précisément, n'est-ce pas ? Pour l'instant, je suis tenté de dire que c'est peut-être l'œuvre de moi qui est la mieux réussie, si vous voulez. Et quand je l'entends à la radio, je me dis que c'est la plus ratée de toutes. Écoutez, j'en reviens au problème d'esthétique et je précise ma question. Quand je vous demande s'il existe une esthétique radiophonique ou phonographique ou télévisuelle, c'est compte tenu des conditions spéciales dans lesquelles se trouve l'auditeur, qui ne connaît pas les conditions de la salle de concert. Oui, je mets à part certaines recherches d'esthétique que l'on fait dans les œuvres particulières et spéciales que l'on prépare en vue du Prix Italia, par exemple, parce que là, ce sont des recherches qui visent vers des formules spécifiquement radiophoniques utilisant un certain art très particulier de l'association de la parole et de la musique, plus des effets électroniques qui peuvent s'y joindre. Dans ce domaine-là, il y a une recherche d'esthétique qui est spécifiquement radiophonique et qui est conçue, bien entendu, en fonction du but. Le but étant de parler à des gens qui sont dans un fauteuil, peut-être tout seul ou peut-être à deux ou trois, et non point à des gens qui sont dans une salle. Alors là, je pense que peut-être on peut arriver, à défaut de cette communion dont je parlais tout à l'heure, on peut arriver à une espèce d'expression poétique. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement un fossé entre la musique et l'auditeur quand on lui sert en conserve. Y a-t-il, de la part du compositeur, un moyen d'ordre technique ou psychologique qui permette de franchir et de supprimer ce fossé? Oui, en faisant appel à quelque chose qui, dans une salle, alors joue un rôle moins fort, qui est une certaine magie des combinaisons. Par la magie des combinaisons, et par l'association de combinaisons magiques avec un texte plus ou moins magique par lui-même, on arrive à créer une espèce d'art particulière qui a plus de chances d'atteindre ses buts en s'adressant à quelqu'un, à un auditeur isolé. L'enfant et les sortilèges que nous avons entendus tout à l'heure étaient un choix judicieux, car cette œuvre répond parfaitement aux définitions que vous avez données d'une esthétique radiophonique. Et on peut en conclure qu'il existe des œuvres plus ou moins radiophoniques. Et maintenant, vous nous proposez une œuvre que vous avez choisie dans les archives de la radiodiffusion télévision française. J'ai choisi une œuvre qui a été faite tout récemment d'ailleurs, ce ne sont pas de vieilles archives, il n'y a pas de poussière dessus, c'est le Médée de Darius Milhaud. Mais alors là, je vous dirai très franchement que je l'ai choisi parce que je trouve l'œuvre absolument magnifique. Et je l'ai choisi pour l'œuvre, mais non point comme une démonstration de ce qu'il faut écouter chez soi. Car en fait, c'est précisément le type de l'œuvre, avec son caractère terriblement tragique et véhément, c'est le type de l'œuvre qu'il faut entendre avec des gens autour de soi. Et j'ajouterai d'ailleurs, même pas dans une salle de concert, mais au théâtre, car c'est une œuvre d'un lyrisme passionné, bouleversant. Mais on a tout le temps envie de le voir sur la scène, parce qu'on sent que c'est une œuvre scénique. Je n'en dirais pas autant d'une œuvre de Wagner, par exemple. J'aime mieux entendre une œuvre de Wagner chez moi, parce que je n'ai pas besoin, pour entendre la musique de Wagner et pour la goûter, je n'ai pas besoin de la scène. La scène me gêne. D'abord parce qu'il ne s'y passe rien. Wagner est un musicien. Le génie de Wagner n'est pas en cause, mais comme musicien de théâtre, alors non, ça, absolument pas, ça n'a rien à voir avec du théâtre. Mais musicalement, je le goûte admirablement chez moi parce que je ne suis pas gêné par la scène pour entendre sa musique. Et pour le Médée de Milhaud, il y a un tel accord entre le texte dramatique, l'action scénique que l'on imagine quand on l'entend, et puis la musique proprement dite, que l'on regrette tout le temps de ne pas voir cela à l'Opéra de Paris. Eh bien, cette fois-ci, nous fermerons les yeux pour voir et entendre Médée. Exactement. Nous allons donc entendre Médée de Darius Milhaud sur un livret de Madeleine Milhaud. dans un enregistrement réalisé en public dans le grand auditorium de la radiodiffusion télévision française. En voici la distribution. Médée, Jacqueline Albin Brumaire. Créuse, Christiane Eda Pierre. La nourrice, Solange Michel. Jason, Jean Bollien. Créon, Robert Massard. Orchestre lyrique et chœur de la radiodiffusion télévision française, chef des chœurs Jean-Paul Créder, sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Mise en onde musicale, Lucien Duchemin, et présentation de Jean Mourier. C'est pour répondre à une commande de l'État formulée en 1938 que Darius Milhaud écrivit la partition de Médée. En dépit de la guerre, Médée fut représenté à l'Opéra flamand d'Anvers en 1939. L'Opéra de Paris, en 1940, en fit dans une mise en scène de Charles Dullin une fastueuse création couronnée de succès. Le début des hostilités effectives vint interrompre sa carrière. Une reprise de Médée s'imposera donc tôt ou tard. Médée se range naturellement dans la catégorie des œuvres inspirées par la mythologie grecque. Elle ne saurait en rien être comparée au Malheur d'Orphée ou à l'Orestie. Ici, c'est Euripide qui est en jeu. Bien que Madeleine Millot en ait éliminé d'une grande part, qu'elle en ait judicieusement modifié le scénario en s'appuyant sur Sénèque et sur Corneille, il est incontestable que c'est bien la Médée d'Euripide qui se présente à nous. Les caractères sont ceux que le poète grec a tracés, tous les traits sont les mêmes, la physionomie ne change pas. Du point de vue lyrique, le drame est traité un peu selon les lois de l'opéra au XVIIe et XVIIIe siècle, avec cette énorme différence que la danse et les divertissements en sont totalement exclus. L'amour violent, farouche de Médée pour Jason nous apparaît dès le début de la tragédie, transformé en une haine sauvage qui, d'une scène à l'autre, ne fera qu'augmenter d'intensité, fournissant une opposition brutale aux sentiments fragiles de sa rivale. Contraste attrayant pour un musicien dramatique. Celui-ci nous offre une de ses partitions les plus solidement construites, les mieux équilibrées, une de celles où les caractères sont le mieux définis. Quant à la légende, nul n'a oublié comment, après avoir conquis la Toison d'Or, Jason, afin d'épouser Créuse, fille de Créon, roi de Corinthe, a répudié Médée. La magicienne se venge de sa rivale en lui faisant présent d'une robe empoisonnée. La mort de Créuse entraîne celle de Créon. Enfin, Médée, pour se mieux venger de Jason, égorge les enfants qu'elle a eus de lui. Tels sont les faits qui vont se présenter de la façon suivante. Au premier tableau, devant le palais de Créon à Corinthe, paraissent successivement tous les personnages. Créuse, heureuse à la perspective de son mariage avec Jason, puis Médée. Consciente de la situation qui lui est faite, sourde aux sages conseils de sa nourrice, elle appelle la vengeance divine sur la tête de Jason. C'est ensuite Créon, le vieux roi, craignant les maléfices de la magicienne, qui la bannit impitoyablement de la cité. La dernière scène de ce tableau est consacrée à Jason et Médée. Celle-ci énumère tous les actes, bons ou mauvais, qu'elle a accomplis au profit de l'infidèle, sans obtenir de lui plus que des exhortations à se résigner. Jason parti, Médée s'abandonne à sa fureur et jure de se venger. Au deuxième tableau se place d'abord l'invocation à Hécate dans l'antre de Médée. Là, la magicienne, avec la protection de la déesse souterraine, brasse le poison qu'elle répandra dans le tissu destiné à faire périr sa victime. Elle fait venir ses fils et leur enjoint de porter les cadeaux fatals, manteaux et couronnes, à Créuse. Au dernier tableau, devant le palais, Créuse se montre parée des dons qu'elle a reçus et soudain se sent dévorée par une invisible flamme. Créon survient, il arrache le voile, mais impuissant à s'en dégager, il meurt bientôt, ainsi que sa fille, sous les yeux horrifiés de Jason. Médée enfin annonce à la nourrice son intention de faire mourir ses fils. Sur la terrasse dominant le palais, on la voit perpétrer l'infanticide. Lorsque Jason accourt, il ne trouve que des cadavres et Médée qui, telle une lionne en furie, hurle son triomphe. Tout au long de la tragédie, le chœur composé de Corinthiens et de Corinthiennes commente l'action sans y prendre part de façon positive, ainsi qu'il était d'usage dans le théâtre grec. Thank you. Te le cacher. voilà bien soumise, m'aider. Quel est ce nouveau piège? À qui la faute? N'as-tu pas fait périr le malheureux périr? Le roi des Thessaliens, pourquoi te défendrais-je contre Acaste de son fils qui te poursuit jusqu'ici et exige ta mort? Artisan des crimes les plus odieux, toi qui m'as fait concevoir la malice d'une femme et la force d'un homme, quitte instantanément mon royaume. Vous l'ordonnez, mais alors rendez-moi mon compagnon d'exil. Je ne suis pas venu seul ici. Pourquoi partirai-je sans Jason? Il est responsable de la moindre peine comme moi, et c'est que tous les forfaits m'ont accusé. Et d'intrigue, tu parles en vain, ma patience est à bout. Laissez-nous, mes enfants, que l'on m'arrange. Ils seront traités comme les miens. Hélas, les reverrai-je. La grâce, laissez-moi une dernière fois. Hésite à t'accorder cette faveur, je redoute tes perfidies, tes maléfices. Pas longtemps pour semer la douleur. Enfin, je cède à ta prière. Mais regarde, si tu n'as pas quitté Corinthe avant demain, tu mourras. Thank you. Oh, Thank you. Et surmontable, tous les actes des mortels, contemple-ci les victimes sanglantes d'Aménée. Que ce crime soit puni. Châtiment inoubliable qui déchire son cœur à chaque Thank you. la terre pour échapper à l'expiation. Entendu Médée, opéra en trois tableaux, livret de Madeleine Millot, musique de Darius Millot. Nous vous en rappelons la distribution. Médée, Jacqueline Albin Brumaire. Créuse, Christiane Eda Pierre. La nourrice, Solange Michel. Jason, Jean Molien. Créon, Robert Massard. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, l'émission lyrique réservée à des ouvrages de Darius Millot. Le texte de présentation était de Jean Mourier, dit par Jacqueline Claire. Mise en onde musicale, Lucien Duchemin. Les interprètes, l'orchestre lyrique et les chœurs de la radiodiffusion télévision française, chef des chœurs Jean-Paul Créder, étaient placés sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Cet enregistrement de Médée illustrait notre conversation avec Henri Barrault, chef du département de la musique de la radiodiffusion télévision française. Cet enregistrement, réalisé au grand auditorium de la maison de la RTF, est donc maintenant placé dans les archives de la phonothèque centrale de la radio. C'était Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Cette émission a été diffusée la première fois le 22 juillet 1964 sur France Culture. À suivre, vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.